Je trempe ma rage contre une brise de tendresse. Je trempe mes stupidités pour un instant de caresse. Je trempe ma haine contre une poignée d'amour. Je trempe mes fautes contre des mots velours. Je vends mes armes contre une coulée de larmes. La mort t'emmène avec elle, j'en veux à son charme. Mais tu es parti si loin d'ici, vers le paradis, Naoufel. Mais tu es parti, petit bout de vie, courir d'autres nuits, Naoufel, Naoufel. Un petit ange a rejoint le ciel, Naoufel. Souvent que la vie est rose et qu'elle est belle. Ce jour de février me rappelle à quel point elle est cruelle. Le drame se passe en haut d'une tour, d'une cité HLM. Dans une famille modeste où l'amour est le seul thème. Une maman et son fils prénommé Naoufel. La vie d'une mère au foyer n'est pas celui d'une reine. Elle vague à ses occupations quotidiennes. Et dans la pièce à côté il y a son petit être. Au milieu des héros sur une autre planète. Il s'évade un instant avec des rêves plein la tête. Dessus son coffre à jouer où la fenêtre est ouverte. Il bascule en avant et du huitième il se jette. Mais tu es parti si loin d'ici, vers le paradis, Naoufel. Mais tu es parti, petit bout de vie, courir d'autres nuits, Naoufel, Naoufel. Un petit ange a rejoint le ciel, Naoufel. Les cadeaux, le plus beau des diamants. Toi qui courais partout loin de la bêtise des grands. Toi qui avais le temps de vivre encore longtemps. Tu nous quittes à 18 mois, petit ange innocent. Je te connaissais pas, Naoufel, pourtant. Mon cœur est triste, je pense à toi et à tes parents. Je pleure à l'intérieur, moi le cœur en ciment. Moi qui sais rester fort, qui ne plie jamais au vent. Comment rester sourd devant la perte d'un enfant? Je suis papa, je peux connaître ce sentiment. Tu laisses un vide immense comme un trou béant. Repose en paix au paradis des enfants. Mais tu es parti si loin d'ici, vers le paradis, Naoufel. Mais tu es parti, petit bout de vie, courir d'entre nuits, Naoufel. Rejoins le ciel, Naoufel.